Édition de juin 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir, Christian Martin au microphone. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? Il y a eu les séries éliminatoires au hockey. Il y a eu une journée d'été à 27 degrés Celsius. Les feuilles sont apparues dans les arbres presque du jour au lendemain. Et j'ai vu passer mon anniversaire de naissance. Quoi d'autre? Entre les jours de pluie, j'ai rajouté de la terre dans le potager et nous avons semé. J'ai commencé à couper des plants de mûrier morts et j'espère terminer avant que ceux qui produiront cette année soient en fleurs. J'ai transféré le bois de chauffage qui est accordé à l'extérieur dans les abris. Puis j'ai commencé à refaire le stock d'allumage et de bûchettes pour l'hiver prochain. Et j'ai tondu la pelouse pour la première fois de la saison. En audio, j'ai enregistré et monté la 9e partie des Relations des Jésuites, dont la diffusion est prévue pour la mi-septembre. Aussi, je suis à monter les résumés Perry Rodden pour les fascicules 90 à 99 du cycle 2. Par ailleurs, vu l'intérêt porté à nos projets collectifs par Corvo, entre autres, j'ai complété la mise en forme d'un texte de René Aîné pour sa version audio. Il s'agira donc d'un projet collectif, et à ce moment-ci, je peux confirmer qu'Eglantine en fera la narration et que Greg Silverson et Bruno y participent. Aldor et Jean-Seb ont aussi manifesté leur intérêt. Diffusion prévue en 2015. Je veux revenir sur Complot sur Alpa, le roman jeunesse de science-fiction qui a été publié en e-book en avril. Mon billet du 18 avril sur mon blog, christianmartin.canalblog.com, dit tout. Après une réécriture et 6 ou 7 révisions, la première aventure de Carl Inouvi, Complot sur Alpa, est désormais disponible en e-book, format Mobi, aux éditions de l'avenir via Amazon. Une première version de ce roman, version papier, a été publiée en 1998 chez Dominique et compagnie. L'éditeur ayant sabordé la collection, il n'était plus disponible depuis des années, sauf en bibliothèque au Québec. Il existe aussi une version audio qui, elle, est disponible gratuitement via audiocité.net. À la version e-book, j'ai ajouté les croquis, quand même retouchés à l'ordinateur, je ne suis pas bon en dessin, que j'avais créé et dont je m'étais servi pour mieux visualiser certains endroits décrits dans le roman lors de la rédaction initiale. Ainsi, on y retrouve une carte sommaire d'Alpa, une vue aérienne du Jolet, un plan du dôme de génétique et un du dôme d'habitation d'Edenmarsh. Voici le texte de présentation. Sur Alpa, une planète de neige et de glace, Novi, un bébé Inish, un mélange entre un ours polaire et un chien de berger, est kidnappé. Carl, l'humain que le petit animal doté de pouvoirs télépathiques a adopté, se lance sur les traces des ravisseurs. L'enquête qui s'ensuit est formée de rebondissements et de périls. Le garçon recevra de l'aide, mais sera-t-elle suffisante pour retrouver Novi? Pour se le procurer, rendez-vous sur votre boutique Amazon et inscrivez le numéro suivant dans la fenêtre de recherche. B00JRC0UX4. Bonne lecture. Pour en terminer avec les nouvelles personnelles, j'ai reçu un petit message de Corvo via le livre d'or d'Audiocité qui dit « Ah, cher Christian, j'ai été réellement touché par votre message à mon intention » dans l'émission de mai du podcast. Je vous en remercie infiniment. Et moi qui pensais ne jamais passer à la radio, c'est tout naturel, Corvo. Par le nombre de téléchargements, je vois bien que nous avons des auditeurs, mais vous êtes le premier à vous manifester de façon aussi tangible et à nous encourager sans relâche. Merci à vous.

il se peut que vous ayez au moins été diverti de façon intelligente et joyeuse. Des papous dans la tête est une provocation ludique à l'imaginaire par le jeu des mots et du langage, animé par Françoise Tressard sur France Culture. Ainsi donc, cette émission fait jouer les invités, environ une dizaine à chaque épisode, presque toujours les mêmes. Je vous en nomme quelques-uns. Gérard Mordillat, Jacques Jouet, Eva Almassy, Lucas Fournier, Jacques Vallet, Dominique Muller, Jean-Bernard Pouy, Patrice Delbourg, Hervé Letellier, Serge Jacquard, et il y en a plein d'autres qui passent à l'occasion. Alors, avec ses invités, Françoise les fait jouer avec les mots. Pour certains de ces jeux, vous êtes même invités, vous aussi, à essayer votre prose et soumettre vos textes sur le site des Papous dans la tête. Exemple de jeu auquel vous allez pouvoir assister. Le jeu est Lettre inattendue. L'un des participants doit écrire une lettre à une personne fictive ou un objet ou bon ce qui lui passe par la tête et un autre des invités doit lui répondre. Un autre jeu, les homophonies approximatives. Ils inventent une histoire commençant par une phrase imposée et se termine par une phrase homophonique ou presque. Une phrase homophonique est une phrase qui a presque la même sonorité, mais pas le même sens. Pour faire court, imaginez une phrase avec Philippe. Y a-t-il un petit oiseau sur le fil? Et il va tomber. Avec mouton? Il est mou ton gâteau. Mais bref, eux, ils font une prose d'environ une quinzaine de lignes et c'est vraiment drôle. Un autre jeu qu'ils font à l'occasion, c'est Diagnostic littéraire à l'aveugle. Ainsi donc, ils ont un texte qui est lu par l'une des personnes et les autres participants se doivent de découvrir quelle était la langue du texte original, à quelle époque le texte a été écrit et qui l'a écrit. Ça prend des érudits en la matière, ça c'est sûr, et je vous promets que ces personnes invitées le sont. Ils ont vraiment une connaissance des invités, c'est des personnes, soit qui viennent du milieu de la littérature, de la radio. Il y a aussi le jeu littéraire des papous, 10 mots pour une histoire en prose ou en rime. Françoise leur donne 10 mots, à eux d'imaginer un récit dans lequel ces mots joueront un rôle. Ils peuvent employer le mot dans le sens et dans l'ordre qui leur plaira, transformer un nom propre en nom commun ou vice-versa. Certains mots donnés sont riches de plusieurs sens, toute liberté à ce sujet, et c'est vraiment impressionnant comment ils font pour introduire ces mots-là, et ça coule. La textée, un jeu où quelques invités sont invités à écrire un texte sous une forme plutôt poétique, selon certaines contraintes pour chacune des lignes. C'est vraiment impressionnant comment ils font pour se débrouiller avec toutes les contraintes qui y sont. Bref, pour toi qui désires un beau moment de divertissement recherché, cultivé et que je qualifierais d'adulte, des papous dans la tête vous mettront de bonne humeur. Dans l'univers des audios, il n'y a pas que les podcasts. Une autre référence pour les amoureux des mots, des sites dédiés à la littérature, il en existe. Je vous ai d'ailleurs entretenu de Bibliboom et Audiocité. Je continue donc l'exploration des choix qui s'offrent à vous en matière d'audio-roman. Ainsi, j'ai souvent fait appel au merveilleux site LibriVox, LibriVox. Ce sont des milliers et des milliers d'ouvrages, je ne vous mens pas, qui y sont ici répertoriés. LibriVox a débuté en 2005. Leur objectif, rendre tous les livres libres de droit au format audio gratuitement sur Internet. La majorité des textes proviennent du projet Gutenberg. Quel genre de romans vous allez pouvoir y trouver? Tous les types de romans y sont répertoriés. Victor Hugo, Anderson, Baudelaire, Grimm, Jules Verne, Balzac, ils sont tous là. S'ils sont libres de droit, il y a bien des chances qu'ils s'y trouvent. Vous pouvez les retrouver par auteur, par titre, par genre ou par langue. En parlant des langues, il y a 16 230 livres anglais actuellement, 411 en français. En allemand, il y en a plus de 1500. Il y en a en italien, en espagnol, en grec, en arabe, en chinois, en hébreu, en yiddish. Il y a des langues que je suis même pas capable de prononcer. Je pense qu'ils en ont inventé. Je vous mens pas. J'ai fait le répertoire. Vous pouvez y rechercher des textes à travers 90 langues. Comment ça se fait qu'il y en a autant que ça? Je vous explique. LibriVox fait appel à des volontaires. Tout le monde qui est intéressé, peu importe la langue, peut devenir lecteur pour LibriVox. Vous n'avez qu'à vous y inscrire et vous allez pouvoir participer au texte en cours. Vous pouvez donc être lecteur, donc vous enregistrez un chapitre ou un livre au complet. Vous pouvez devenir coordonnateur de livre, donc vous orchestrez la production d'un livre en particulier. Vous pouvez être méta-coordonnateur. Donc, vous colligez un ensemble de livres sur Internet. Vous pouvez être modérateur et certain administrateur. J'imagine que rendu là, ça prend un certain niveau d'expérience et de preuve de bonne volonté de votre part. Les types de projets, la plupart sont collaboratifs. Donc, plusieurs volontaires contribuent pour un livre. Il y a des projets solo. Donc, un volontaire pour un livre en entier. Il y a des ouvrages courts, donc de la poésie ou des essais. Une œuvre dramatique, des acteurs enregistrent leur partie, puis c'est édité ensemble. C'est un peu ce que fait Christian Martin pour les éditions de l'avenir. Et à l'occasion, divers autres types peuvent être réalisés. La seule chose qui est importante ici, c'est que les textes doivent être libres de droit, je vous le rappelle. Ce n'est pas ici un endroit pour déposer vos textes personnels. Ce sont vraiment des œuvres qui ont été publiées et qui sont maintenant libres de droit. Vous pouvez aussi être réviseur, ce qui veut dire que lorsqu'un chapitre ou un livre est complété, votre rôle est d'écouter les fichiers audio tout en validant qu'il est conforme au texte papier. Le réviseur se doit alors d'aviser la personne qui a fait le texte si jamais il relève certaines erreurs pour que ces erreurs soient corrigées. Je vous rappelle que c'est vraiment un site fantastique à découvrir. Ce sont tous des vieux documents, je suis d'accord avec vous, mais ça apporte un niveau d'accessibilité incroyable pour ces œuvres du passé. Alors n'oubliez pas LibriVox, un incontournable pour la littérature. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. De mon côté, à moi personnellement, en personne. Yo man, Épicure, Épicure, c'est ça, Épicure. Hey. Épicure, ça va bien. Le shoot numéro un, d'après ce que j'ai vu dans les statistiques, mais je suis encore vraiment pas très bon pour tout diagnostiquer ça. J'aurai à peu près une trentaine de téléchargements pour l'épisode 1 à propos du géocaching. Il est permis, voire même fortement suggéré que tu partages cette expérience au plus grand nombre de personnes possible. Épicure, à l'adresse abrégée goo.gl/n3tvl1, tout en minuscule. Et il est disponible sur iTunes. L'adresse abrégée est goo.gl/ssf6wa. Je vous rappelle qu'il y a des prix à gagner pour les Québécois. Une étiquette pour faire un travel bug, ça c'est un objet voyageur. Il y a une géopièce à l'effigie du Québec qui est retraçable aussi, ainsi qu'un certificat cadeau d'une valeur de 5$. Et pour les personnes qui sont à l'international ou à l'extérieur de la province de Québec, j'ai personnellement rajouté un géocoin à l'effigie du Québec aussi, donc tout le monde sur la planète peut participer. Vous avez jusqu'au 12 juillet pour vous inscrire. Dépêchez-vous. En date d'aujourd'hui, je n'ai que 3 participations. J'en veux plus. J'aimerais ça que l'association Géocaching Québec renouvelle sa commandite. Ça me prend des participants. Vous avez jamais fait de géocaching? Participez pareil. Ça va peut-être vous donner le goût de le faire. Puis sinon, ben la pièce, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez la garder pour vous. Vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer puis de la mettre dans une cache, là. Alors, je vous dis à la prochaine pour me contacter, comme toujours, JSHAMEL99. À vous, les studios! Merci, Jean-Seb. Allez écouter Épicure, le podcast de Jean-Seb. C'est super intéressant. Dans la première émission, j'ai appris des tas de trucs sur le géocaching. Suite du feuilleton, Mazas Pavel, un monde en héritage par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. À bord de la nef moissonneuse en panne dans l'espace, l'émir tourne en rond, rongeant son frein. Au moins, il a récupéré les coordonnées de la planète dont il veut offrir la flotte spatiale et les installations à Piri Rodden. Pendant ce temps, dans la suite du cœur de Fomalo, Mazas voit descendre vers elle l'être de cauchemar qui a émergé du petit vaisseau noir fait prisonnier. Elle le maintient sous le contrôle de son radiant psy. Ses congénères et lui sont ensuite enfermés dans une cabine à l'ameublement spartiate après avoir été scrutés par le robot médic. Mazas et ses amis finissent par découvrir qu'il s'agit de captiers qui se qualifient eux-mêmes de « guerrier le plus redoutable de l'univers ». Les captiers sont en route vers une nouvelle galaxie qu'ils comptent bien conquérir. Mazas et ses compagnons se rendent compte alors qu'en cherchant à retrouver l'émir, ils risquent fort de tomber nez à nez avec l'imposante armada des captiers. Pendant ce temps, la nef moissonneuse se met en route vers une planète détectée par Rabotax 3, où les réparations seront complétées. Sur la planète, l'émir décide de faire un peu de tourisme à bord d'un glisseur. Et le voilà soudain confronté à 2 individus fonçant sur lui en brandissant des tridents. Les éditions de l'Omnia présentent Mazas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 12. Chapitre 4. Le briefing qui avait réuni Mazas et les gradés du cœur de Fomalo 2, à savoir Steve, Corton, Kalec, Turamon et Martin Fizz, l'officier de tir, venait de s'achever. Il convenait en effet de définir la conduite à suivre en attendant le retour de l'émir, retour dont la jeune femme ne doutait pas, à l'inverse de ses compagnons. Chacun avait donné son avis avant de se rallier à la suggestion de l'agent de l'OMU. Kalec allait en être le principal acteur. Tandis que ses amis allaient jouer à cache-cache avec l'immense flotte des quartiers qui approchait, afin de rester dans le secteur où, logiquement, la nef moissonneuse devrait refaire son apparition à un moment ou à un autre, il serait chargé de rejoindre le monde des mercenaires carsassiens pour leur demander de l'aide et d'expédier un message chiffré au centre Quinto, le quartier général de l'OMU, pour aviser l'état-major de l'arrivée prochaine dans la Voie lactée de l'armada menée par Lorik. Corton Nagaise avait bien émis le vœu de faire appel à Perry Rodden, qui ferait tout pour voler au secours du Mulot Castor, ou à Atlan, qui enverrait une escadre de vaisseaux si on le lui demandait. Mais Mazas avait balayé ses arguments en soulignant que le Stellark, d'une part, n'était au courant de rien, et d'autre part, était confronté à de graves difficultés financières. Quant au Lord Amiral, nombre de ses bâtiments étaient déjà engagés dans diverses opérations à travers la galaxie, ce qui limitait ses possibilités d'intervention rapide. La décision qui avait été prise n'emballait pas outre mesure le rouquin, mais l'affection, pour ne pas dire plus, qu'il éprouvait pour la jeune femme avait suffi à lui faire accepter sans discuter le plan qui avait été établi. Après avoir porté à ses lèvres un verre de Burguse et en avoir avalé une bonne rasade, il s'adressa au pilote. « Tu penses vraiment que ta mini-gazelle est capable d'atteindre Karsak depuis l'endroit où nous sommes ?»« En 6 ou 7 étapes linéaires, il possède une autonomie de 70 000 années-lumière. » lui rappela Stevomir. C'est donc suffisant. Comme le système de Karsak est situé à 64 000 années-lumière de M1 où nous nous trouvons actuellement, il te reste même une marge de 6000 à elle. Renchérit Mazas. Une paille. Si tu as des scrupules tardifs, il est encore temps de refuser. Personne ne t'en voudra. Non, pas de scrupules. Je me renseignais simplement. Qu'est-ce que j'aurai comme équipage ? Un seul homme en plus de toi. Je sais parfaitement qu'il s'agit du minimum de personnel pour le diriger, mais nous devons garder un maximum de monde sur le cœur de Fomalo, dans l'optique des combats que nous aurons sans doute à soutenir en attendant ton retour. D'accord, qui sera l'heureux élu ? J'ai pensé à Tragocher. Le végan ? Oui, tu as quelque chose contre ? Pas du tout, mais je supposais plutôt que tu allais m'adjoindre Rorbach ou Gasser. Les Éconides ? Ils sont habitués à faire équipe ensemble et je préfère ne pas les dissocier. Quant au Férolien, c'est un Sicha, aussi batailleur que tous ses compatriotes, et donc précieux en cas de bagarre. De plus, il est un excellent mécanicien et spécialiste de la propulsion linéaire, ce qui peut s'avérer fort utile si un problème survenait sur les calupes. Chose que je ne te souhaite évidemment pas. Mais mieux vaut être paré. Et puis, entre rouquins, vous devriez bien vous entendre. Susurra Tiromond d'un air patelin. Kalec haussa les épaules d'un air dédaigneux et se contenta de dire « Parfait, quand partons-nous ? » Le temps pour moi d'enregistrer un message holographique à l'attention de mon frère John et pour les techniciens de vérifier que l'équipement du navire est conforme. Tu pourras décoller. Ok. Je vais prévenir Trégocher que nous partons en mission dans une heure. Mais je suppose qu'il voudrait participer lui-même aux vérifications de notre petit vaisseau et qu'il sera prêt bien avant l'heure. Tonnerre de Brest! Le juron familier de son ami Bouli vint spontanément aux lèvres de l'émir, tandis qu'il se mettait instinctivement en garde. Il tenta brièvement un essai de télékinésie, mais devant l'absence de résultats immédiats, ses réflexes jouèrent, et il s'effaça sur le côté tandis que son premier adversaire, emporté par son élan, éprouvait quelques difficultés à ne pas tomber. Ce léger déséquilibre fut suffisant pour que le Mulocastor sabre l'air et abatte avec force le gantelet renforcé de sa combinaison sur la colonne vertébrale de son assaillant, lequel s'effondra sans un cri en lâchant son arme. Puis, Lilt eut juste le temps de se laisser rouler en arrière tout en grippant le bras du second combattant et en lui appliquant ses deux pieds au creux de l'estomac. L'indigène décolla du sol sans la moindre grâce et vint s'affaler contre un tronc d'arbre. D'un bond, l'éternel lieutenant des forces terraniennes se releva, faisant face aux deux êtres décontenancés et grimaçant de douleur, qui se retrouvaient, désarmés, par terre. Sous l'effet d'une peur rétroactive, il réalisait qu'il avait failli se faire tuer et par sa propre insouciance, car il avait délibérément poursuivi son exploration, tout en sachant que le champ protecteur de son spatiandre était défaillant. Décidément, la perte de ses facultés paranormales avait des conséquences psychiques plus profondes qu'il ne le pensait. Puis, il se baissa et se saisit des deux tridents qu'il brisa en les frappant avec rage à plusieurs reprises contre un rocher. Il rejeta les morceaux au loin et se concentra à nouveau sur les autochtones qui le regardaient d'un air craintif, sans oser seulement se redresser. Heureusement que j'ai suivi avec assiduité les cours d'arts martiaux dont Takokakuta a fait bénéficier la milice des mutants. Pourtant, je n'aurais jamais pensé avoir à utiliser un jour mes connaissances en close combat. D'un geste de la main, il fit signe aux vaincus de se relever. En hésitant, ils obtempérèrent. Toujours en silence. Soudain, l'émir sursauta. Il venait de percevoir une pensée. « Qui es-tu ? » Heureux au-delà de toute expression, il sonda l'esprit des deux êtres qui se tenaient à présent devant lui. Sa déception fut à la hauteur de sa joie. Il n'avait pas retrouvé miraculeusement ses dons, c'étaient les natifs de ce monde hostile qui étaient télépathes. L'esprit battant encore un peu la campagne, il ne put que murmurer « L'émir !» Le son s'échappant de ses lèvres surprit visiblement ses interlocuteurs, mais ils saisirent sans mal sa pensée et hochèrent la tête d'un air étonné. Ce bref échange permit cependant au mulot castor d'observer avec un peu plus d'attention les deux indigènes. Sa première et fugitive impression était cependant la bonne. Ressemblait à un premier essai dans la constitution d'un humanoïde, avec leur visage anguleux, où s'ouvraient deux grands yeux d'une étrange couleur vermillon, surmontés d'un œil pinéal aussi brillant qu'un diamant en plein soleil. Un nez, ou plutôt une arête osseuse percée de plusieurs trous, et une bouche minuscule sans dents apparentes, aux lèvres formées par de la peau durcie et tannée par le soleil rouge, complétaient une tête au menton prognate, dominant une sorte de goitre de dimension surprenante. Leur peau était d'un pourpre clair, avec un ton plus prononcé pour les extrémités. En effet, les mains et les pieds étaient d'une teinte violet foncé. Ils étaient vêtus d'un genre de pagne brun clair, à la texture indéfinissable, végétale ou animale, qui descendait jusqu'à 10 cm au-dessus des genoux, dont la forme des articulations laissait supposer que les jambes pouvaient se plier indifféremment dans un sens ou dans l'autre. En voyant les regards qui étaient braqués sur lui, il réalisa que son aspect était également surprenant pour les indigènes. Il répéta « Je suis un ami. Venez-vous vous aucun mal. »« Tu as brisé nos rilles et nous ne pourrons plus nous défendre contre l'héros. » L'émir ressentit toute la détresse qu'il y avait dans la pensée qui lui parvenait et il tenta de les tranquilliser. « Ne vous inquiétez pas, je suis là. » Il ne sut pas s'ils avaient bien saisi ces paroles rassurantes, mais il crut discerner un certain scepticisme dans leur regard. C'est pourquoi il décida de passer de la parole aux actes. Sa combinaison spatiale ne comportant pas d'armes, il mit sa vanité en poche et rebrancha son minicom de poignet. Sous leur œil stupéfait, il le porta à ses lèvres et appela la nef. « Rabotax, est-ce que tu me reçois ?» Et ils manquèrent tomber à la renverse, lorsque la réponse jaillit du petit haut-parleur. « L'émir, ce n'est pas raisonnable de couper ta radio. Jamais les maîtres n'auraient fait une chose pareille. » Tout au fond de lui-même, il savait que le reproche était fondé, mais son amour-propre l'empêchait d'en convenir. Il répliqua d'un ton sec. « D'abord, je ne suis pas un maître, et je fais ce que je veux. Tu ne vas quand même pas me dire que tu t'es inquiété pour moi. »« Inquiété ?» La voix métallique ne laissait filtrer aucune émotion. Le mulot castor n'insista pas. « Peux-tu m'envoyer un robot avec quelques armes de poing ?»« Il n'y a aucune arme de ce type à bord. Uniquement des narco-radiants pour défendre le vaisseau d'une attaque extérieure. » Lilt resta silencieux quelques instants, réfléchissant au problème posé. « Peux-tu faire bricoler quelques engins lésés lançant des désarmes électriques ?»« Tu les auras d'ici une heure. Laisse ton minicom branché pour qu'on puisse te recontacter. » L'émir s'abstint cette fois de répondre, mais n'osa pas enfreindre l'ordre que venait de lui donner Rabotax. Il se contenta de crisper ses maxillaires avec colère. Puis, il s'adressa aux deux natifs de ce monde désolé. « Désolé d'avoir bridé vos forces, mais il fallait bien que je me défende. Cependant, vous n'allez pas perdre sens, car je vais vous fournir des armes beaucoup plus efficaces avec lesquelles vous pourrez affronter les ropes. Au fait, ils ressemblent à quoi, vos ropes ?»« À ça !» La mini-gazelle venait de regagner l'espace einsteinien pour la cinquième fois. Kalec Voram pivota sur son fauteuil et se tourna vers Tragocher. « Tout est en ordre. » Un mince sourire étira les lèvres du ferrolier. « Comme les autres fois. Je te répète que cet appareil est un vrai bijou. Il possède les derniers cris de la technologie et je suis persuadé que bien des vaisseaux de l'OMU n'ont pas ses performances. » « Je sais, mais nous savoir dans l'immensité du vide sur une coque de noix d'à peine 10 mètres de diamètre me noue un peu l'estomac. »« Encore un dernier effort. D'ici une dizaine d'heures, on sera en vue de Carsac. » Le rouquin acquiesça d'un hochement de tête. Et pour oublier l'approche de la sixième et dernière étape, il se dirigea vers le distributeur de boissons et programma sa commande. Drago, tu veux un verre de Vurguse? Non, merci. Je prendrais plutôt un jus de tarboulier. Tu arrives à ingurgiter cette horreur? Oui, j'aime bien la saveur amère de ce fruit. Je le trouve très désaltérant. Tous les goûts sont de la nature. Marmonna Kalec, en lui tendant le gobelet qu'il venait de remplir. « lorsque le petit vaisseau quitta l'espace linéaire pour émerger à proximité du système de Karsak, le messager de Mazas poussa intérieurement un soupir de soulagement. D'ici une heure, nous pourrons entrer en contact et demander l'autorisation de nous poser, observa le Végan. Parfait. On a juste le temps de prendre une petite collation. Il n'avait pas fini d'avaler sa dernière bouchée quand trois notes musicales l'avertirent de l'activation du communicateur de bord. Un des écrans du tableau de contrôle fut parcouru par quelques zébrures multicolores avant de s'éclairer et de faire apparaître un visage buriné, aux cheveux blancs, surmonté d'une casquette informe, aux couleurs délavées par le soleil et les intempéries, et dont la visière ne parvenait pas à dissimuler l'éclat métallique des yeux bleus. Kalec se présenta et demanda un faisceau de guidage pour l'atterrissage. À sa grande surprise, il lui fut répondu « Que venez-vous foutre ici ?» Le rouquin resta quoi un instant, avant de répliquer avec colère « Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien !» Un gros rire joyeux s'échappa du récepteur. « Pourtant, petit malin, il faudrait bien que tu me le dises si tu veux te poser !» Voram n'était pas de naturel patient, et la rage le submergea comme une vague déferlante. Mais alors qu'il se penchait vers l'émetteur, il songea à Mazas et fit un gros effort sur lui-même pour se calmer. En conséquence, il respira à fond à deux ou trois reprises avant de répondre d'une voix presque normale. « D'accord, mon gros loup. Puisque tu y tiens tellement, je peux te révéler que je viens voir John Pavel. »« Qu'est-ce que tu lui veux ?»« Lui remettre un message de sa sœur. »« Mazas, qu'est-ce qu'elle devient, la petite ? Je n'ai même pas eu le temps de la voir pendant son dernier séjour ici. »« Tu le sauras quand je serai au sol. »« Astucieux, ça. Ok, je t'envoie un faisceau pour te diriger vers l'aile sud-est. » Merci à toi, ô aimable xénophobe. Avant de couper la communication, il eut la satisfaction d'entendre son interlocuteur éructer un juron grossier, suivi d'un borborygme où l'on pouvait percevoir lui casser la gueule. Puis, il régla le système d'approche de son aviso sur le rayon de guidage de l'astroport et se prépara tranquillement à sa rencontre avec le frère de Mazas, sous l'œil légèrement goguenard de Trégochère. Tandis que le petit vaisseau discoïdal alignait automatiquement ses paramètres d'atterrissage, il put contempler la planète qui grossissait sur les écrans jusqu'à en occuper la totalité. Le monde où il s'apprêtait à se poser semblait d'une banalité affligeante. Grosse boule rougeâtre, striée d'écharpes nuageuses, elle ne différait guère de centaines d'autres. Lorsque les détails se précisèrent, ils constatèrent que les deux seuls continents de la planète étaient arides, comme la couleur ocre le leur avait déjà fait supposer, et que des agglomérations peu nombreuses, mais étendues, les parsemaient d'une manière hétéroclite. L'unique astroport avait été érigé sur une vaste plaine de l'hémisphère sud, et même vu de près, il n'avait rien d'impressionnant. L'astronef se posa en douceur sur l'air qui lui était imparti, après que Kalec eut terminé son approche en passant en pilotage manuel. « Mais ça ne va pas plaire à ton nouveau copain !» fit remarquer le ferrolien. « J'espère bien !» rétorqua le rouquin. Il coupa les antigés, libéra les sangles qui le maintenaient sur son siège, et se leva en s'étirant. Il tendit la main vers la console et attrapa la cassette holo destinée à John Pavel, qui glissa dans une des poches pectorales de sa combinaison. Puis, il jeta un dernier regard à l'image que lui offrait sa caméra extérieure. Les installations aéroportuaires étaient des plus dépouillées et se bornaient à une tour de contrôle flanquée d'un bâtiment bas et allongé devant lequel stationnaient plusieurs véhicules. L'un d'eux démarra et se dirigea vers leur aire de stationnement. « Et voilà le comité d'accueil !» constata Trégochère. Comme son compagnon se préparait à quitter le poste de commandement, il ajouta « Veux-tu que je vienne avec toi ?»« Non, c'est inutile. Vérifie plutôt les calopes. » Kalec parcourut la coursive en direction du sas d'entrée. Parvenu devant la lourde porte hermétique, il s'approcha du cadran qui se trouvait à la hauteur de son visage et pianota le code qui permettait de manœuvrer le levier d'ouverture. Avec un léger chointement, le panneau s'éleva en s'encastrant dans les superstructures de l'appareil, et la lumière crue du jour pénétra à l'intérieur, forçant le pilote à plisser les yeux. Avec un juron, il chaussa ses lunettes de soleil et s'avança jusqu'au seuil, où il s'arrêta un court instant, le temps que la passerelle d'accès se déploie jusqu'au sol. Il en profita pour observer les alentours, découvrant une série de vastes hangars près desquels stationnaient de nombreux vaisseaux de tailles diverses, certains déjà anciens, mais tous en bon état apparent. L'engin sur coussin d'air qui venait à sa rencontre stoppa à quelques dizaines de mètres de leur disque volant avec un léger balancement d'avant en arrière. Deux hommes en descendirent. L'un d'eux était manifestement l'individu avec lequel il avait échangé quelques amabilités. Une casquette à visière rejetée en arrière, il lui lança un regard furibond qui laissait entendre sans ambiguïté qu'il n'avait pas apprécié leur échange verbal. Mais Kallek se désintéressa rapidement de lui en observant son second visiteur. Celui-ci était à peu près de sa taille, peut-être légèrement plus grand, mais incroyablement large d'épaules, ce qui, paradoxalement, le faisait paraître plus petit. Sa chevelure blanchie par le soleil de Karsak était coupée très court, laissant bien dégager un visage bronzé éclairé par des yeux verts. Vêtu d'un pantalon aux multiples poches glissé dans des bottes souples et d'une sorte de boléro, ne dissimulant rien de sa formidable musculature, l'homme était impressionnant. Sa voix était en accord avec sa stature. « Je suis John Pavel. Que me voulez-vous ?»« Enchanté de faire votre connaissance. Massas m'a beaucoup parlé de vous. J'ai un message au lot à vous remettre de sa part. Mon nom est Kallek Boram. »« Ah, c'est vous, la belle au bois dormant ?»« Pardon ?»« C'est bien vous qu'elle a été obligée d'abandonner dans un sarcophage d'hibernation sur Corlian 5. D'où mon allusion à la belle au bois dormant. » La patience n'étant pas la vertu cardinale du jeune homme, la colère supprima toute notion de prudence chez lui. « Ce n'est pas un gros plein de soupe qui va me ridiculiser !» Sa réplique fut accueillie par un éclat de rire homérique. « Bravo ! Voilà un jeune coq qui a de la répartie !» L'homme étendit le bras pour empêcher son compagnon de s'avancer. « Laisse, Vanek ! C'est moi qui l'ai insulté !» Voram réprima un soupir. Une fois de plus, son caractère impulsif l'avait mis dans de sales draps. Son premier contact avec la famille de Mazas lui apparaissait soudain moins idyllique qu'il l'avait imaginé. D'autant plus que John poursuivait. « On va voir s'il est aussi fort avec ses poings qu'avec sa langue. » Le rouquin avait roulé sa bosse sur une multitude de mondes, et très souvent dans des endroits que des bons citoyens cherchent à éviter dans la mesure du possible. Il s'était colleté avec d'innombrables adversaires et ne craignait pas de prendre des coups, mais là, le combat allait être vraiment inégal. Il n'envisagea cependant pas un seul instant de s'y dérober. « Alors, bonhomme, viens un peu te mesurer si tu n'as pas peur. » Appliquant le principe millénaire mis en pratique par Napoléon, « la meilleure défense, c'est l'attaque », il ploya soudain les jarrets et se détendit, ses deux pieds venant percuter la poitrine de son adversaire, qui recula de deux pas sous le choc, avant de s'écrouler au sol, les quatre fers en l'air. Bien que sachant qu'il allait vraisemblablement subir une fameuse correction, Kallek ne put se résoudre à poursuivre son avantage momentané, avantage qu'il n'avait obtenu que par l'effet de surprise. Il se contenta donc d'attendre que John se relève, ce qui fut exécuté avec une souplesse étonnante de la part d'une pareille masse. S'il s'attendait à le voir vociférer et tempêter, il fut surpris de le voir éclater de rire, un rire de géant bon enfant. Mais un géant qui n'avait quand même guère apprécié de se retrouver le derrière par terre et qui le lui fit aussitôt savoir. S'il parvint à bloquer ou à dévier les deux premiers coups de poing, Kallek ne put éviter le troisième qui le frappa au creux de l'estomac, le faisant littéralement décoller, et qui lui donna l'impression affreuse que tous ses organes internes se bousculaient pour parvenir à fuir le plus vite possible par sa bouche. Le souffle coupé, les jambes soudain en coton, il n'eut ni la force ni le réflexe d'échapper à l'étreinte du colosse. Ce dernier le souleva de terre et se mit à le serrer contre lui. Les tempes bourdonnantes, les reins cisaillés par la pression infernale qui s'exerçait au niveau de sa colonne vertébrale, il parvint à dégager ses bras et à glisser un de ses coudes sous le menton de John. Rassemblant ses dernières forces, il poussa fortement, tentant de rejeter en arrière la tête du frère de Mazas. Mais, devant l'inanité de ses efforts, autant vouloir plier un baobab à main nue, et alors qu'il se sentait défaillir, il releva brutalement son genou dans l'entrejambe de son adversaire, qui hoqueta de douleur et relâcha sa prise. Mais sa satisfaction fut de bien courte durée. Un point dur comme du granit l'atteignit au visage et le monde extérieur cessa instantanément d'exister pour lui. Mais bon sang, où est passée cette satanée nef moissonneuse? Le cœur de Fomalo 2 venait d'émerger pour la troisième fois dans l'espace einsteinien. Tous ses détecteurs en action, mais aussi loin que ceux-ci puissent porter, il n'y avait pas la moindre trace du vaisseau sur lequel l'émir s'était téléporté. Les seuls échos discernables concernaient des petites flottilles d'aiguilles volantes formant l'avant-garde de l'armada guerbetière. De cette dernière, toujours aucun signe, au grand soulagement de Corton Noguez et de ses compagnons qui appréhendaient de se retrouver à son contact lors d'une de leurs rémersions. Ils sont peut-être en train de remettre le vaisseau en état parce qu'il avait sérieusement dérouillé avant de plonger dans l'entre-espace, suggéra Tiromon. Ils ne s'y sont pas éparpillés, marmonna le copilote entre ses dents. Maza avait l'oreille fine et elle perçut la remarque défaitiste du gnome. Mais non, on aurait retrouvé des débris. Pourtant, tout au fond d'elle, une certaine angoisse commençait à poindre. Steve intervint. La balise n'a pas été activée? Le pilote faisait allusion à la fusée balise miniaturisée qu'ils avaient abandonnée à une heure-lumière de l'endroit où ils effectuaient leur plongée et réimmersion. Elle contenait les coordonnées du petit monde sur lequel ils se réfugiaient à chaque fois qu'ils risquaient d'être opérés par les éclaireurs captiers. Seule une fréquence bien déterminée, en l'occurrence le code de reconnaissance de l'OMU, que le Mulo Castor connaissait parfaitement et qui avait été révélé à Kalec Voram, était capable d'activer cet engin, fruit de la technicité cigane. L'ancien franc-passeur secoua la tête négativement. C'est la première chose que j'ai vérifiée quand nous avons quitté l'espace linéaire. La flotte des envahisseurs est pour l'instant toujours indétectable. Nous ne courons donc aucun risque à attendre sur place. Conclut la jeune femme en quittant son siège. Que comptez-vous faire de nos prisonniers? Interrogea Martin Fizz. Les amener au Lord Amiral. Il sera certainement content de faire la connaissance d'un peuple aussi prédateur et auquel nous risquons d'être confrontés un jour ou l'autre. L'information atteignit le cerveau de l'émir en même temps qu'il voyait le visage de ses interlocuteurs se décomposer sous l'effet de la terreur. Il se retourna d'un bond pour faire face à un ver, mais de taille gigantesque, d'une longueur d'une dizaine de mètres pour une section de 70 à 80 cm. Le monstre se précipitait vers eux, ouvrant une gueule hérissée d'une multitude de dents aiguës. Instinctivement, le Mulocastor activa ses propulseurs anti-G, décollant du sol au moment où les mâchoires allaient se refermer sur lui. Emporté par son élan, le rope alla s'écraser contre un tronc d'arbre. Mais aussitôt, il pivota sur lui-même, s'arrêta un instant en cherchant une proie de ses gros yeux proéminents avant de glisser en ondulant en direction des deux indigènes, statufiés par la frayeur. Bien que désarmé, le fleuron de la milice des mutants n'hésita pas et se laissa retomber de tout son poids sur le dos de l'animal, le détournant provisoirement de son but. Et tandis que le prédateur se redressait sur sa queue musculeuse, tournant la tête pour observer ce qui venait de le percuter, Lilt empoigna l'autochtone le plus proche et enclencha ses antigés à fond en priant pour que la double charge ne les rende pas inopérants. Il avait tort de douter car ils s'élevèrent brutalement dans les airs et il fallut toute l'habileté de l'émir pour leur éviter de s'aplatir contre une muraille rocheuse. En un clin d'œil, il déposa son fardeau sur une corniche et replongea vers le second aborigène qu'il enleva et déposa près de son compagnon, hors de portée du rôle. Un gros soupir s'échappa de sa poitrine. Sapristi, ces exercices ne sont plus de mon âme. Tremblant à présent de tous leurs membres, les deux indigènes le contemplaient, les yeux écarquillés. À travers le hublot de son casque, il leur adressa un grand sourire, découvrant sa si célèbre unique incisive. Eh oui, les gars, je suis comme ça. Puis, il jeta un regard vers le bas, contemplant le ver géant, arc-bouté sur son appendice caudal, la gueule grande ouverte vers les victimes qu'il avait crues à sa portée et qui lui étaient devenues soudain inaccessibles. Le casse-croûte, ce sera pour une autre fois. Puis, il porta son minicom à ses lèvres. Rabotax, dis à tes robotèques de se manier. On a besoin de leurs armes rapidement. Tu les auras quand elles seront prêtes. En cas de danger, je te suggère de rejoindre le glisseur et de t'y enfermer. Tu y seras à l'abri. Tu me défois. Je supposais que tu me connaissais mieux que cela. Je réagis selon les prescriptions des maîtres et j'essaie de m'adapter à ta façon d'agir. Dans ce cas-là, mon ami, je te plains. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le quatrième chapitre de Mazas Pavel, Un monde en héritage d'André Bory. Nos interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Steve Omirir Singh et Thiromont, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans les rôles de Corton Noguez et Kalek Voram, Michael Cadillac dans le rôle de John Pavel, Gabriel Jean dans les rôles de Rabotax 3, de Tagocher et de l'indigène numéro 1, Patrice dans le rôle de Vanek, et Christian Martin dans le rôle de Martin Fils et à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Le 20 mai dernier, André me donnait des nouvelles de l'avancée de ses projets. Je profite de ce mail pour parler à Christian de l'avancée de l'opération Mazas. Un dernier roman de Mazas Pavel devrait paraître hors série Basis. Quand? Avec 4 nouvelles. 2 d'entre elles sont terminées, les 2 autres entamées. Corvo sera content. La seconde, une improbable alliance, met en scène le patriarche Sylvian Polonsk qui lui avait tapé dans l'œil. Le roman de la nouvelle Mazas en est toujours au chapitre 5. Mais je crois que je vais en terminer avec sa grand-mère avant de poursuivre. Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 8, colonne 1. Avant le mariage. Avant le mariage. Excusez-moi, Georges. Est-ce que mon parasol vous gêne? Oh non, ma chère. Ce serait un plaisir pour moi s'il me gênait. Après le mariage. Dieu du ciel, il n'y a jamais eu une femme sous le soleil qui sût porter un parasol sans égratigner des yeux de son voisin. Il n'y a pas d'homme pour marcher comme il faut à côté d'une femme qui a un parasol. Parce que c'est une impossibilité. Les extraits du Progrès de l'Est sont diffusés avec la permission de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Voici maintenant ce que nous avons mis en ligne au cours de mai dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'Avenir. Le premier, ce fut la version audio des résumés des fascicules 50 à 59 de la série Perry Rodden, telle que rédigée par Michel Van Rue. Après avoir quitté Tolimont, le Cousinard a effectué des hypertransitions vers le cœur de la galaxie pour échapper à ses poursuivants. Il a décidé de rester 4 semaines dans un système binaire pour laisser les recherches s'apaiser. Il se pose sur la planète Issan. Le 8, nous vous présentions la page 5 de l'édition du 15 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Félix Gatineau. Comme un ordonnateur, L.A. Robillard. Directeur, Dr. J.A. Robillard. Avant l'ajournement, il a été proposé et adopté à l'unanimité qu'un vote de remerciement soit offert au propriétaire du Courrier de Worcester, de l'Étendard, Montréal, du Jean-Baptiste, Northampton, et de l'Abeille, Lowell, pour l'envoi gratuit de leurs journaux. Le 15, nous mettions en ligne L'île de la fée, nouvelle d'Edgar Poe, interprétée par Armen, d'audiocité.net. Mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose. Comme épigramme, c'est parfait. Mais il faut. Cette nécessité est une chose qui n'existe pas.